c'est parce que tu te sens libre. Que tu dois oser pour te sentir vivre. Loin d'être invisible, on en oublie nos faiblesses. Une vie gorgée de stress et dans notre avenir zéro complexe. Mais c'est bien cela qui me chagrine. Pensant contrôler leur vie, ils en deviennent victimes. Tu peux être en pleine forme, te sentir beau, être aussi magnifique qu'un canon déposer. Même bonjour ton corps, tu dis trop c'est trop. Et dans le monopoly de l'esthétisme, c'est la case départ. Puisque tu n'es pas à l'abri des malheurs des autres. Puisque tout ce que tu peux entendre peut t'arriver entre autres. Une voiture, des amis, un imprévu, une seconde. Et qu'à vie foutue, ce n'est parce que tu te sens libre que tu dois oser pour te sentir vivre. Ça peut t'arriver, mais tu préfères vivre sans stress à tout que la vie te teste. Mais ça peut t'arriver, alors profite de ta vie, ne te fais pas de soucis, non. Ça peut t'arriver, mais tu préfères vivre sans stress à tant que la vie te teste. Mais ça peut t'arriver, alors profite de ta vie, ne te fais pas de soucis, non. Tu te sens supérieur comme un dieu d'Égypte. Tu roules et ton sourire à quelque chose de magique. Mais ta vie peut l'être moins, surtout quand on l'a fini d'être tragique. Ce n'est pas parce que tu es jeune que tu le resteras toute ta vie. Ce n'est pas parce que des billets sortent de ton portefeuille qu'ils ne peuvent pas disparaître après un crédit. La roue tournait parfois dans le mauvais sens. À toi de la contrebalancer avec bonne conscience. Je profite de mes parents comme s'ils allaient mourir demain. Fais l'amour à ma copine comme si elle allait quitter le lendemain. Parce que je ne sais jamais ce que l'avenir nous prépare. Je préfère anticiper pour contourner les pièges tendus depuis le départ. Ça peut t'arriver, mais tu préfères vivre sans stress à tant que la vie te teste. Mais ça peut t'arriver, alors profite de ta vie, ne te fais pas de soucis, non. Ça peut t'arriver, mais tu préfères vivre sans stress à tant que la vie te teste. Mais ça peut t'arriver, alors profite de ta vie, ne te fais pas de soucis. Ça peut t'arriver, mais tu préfères vivre sans stress à tant que la vie te teste. Mais ça peut t'arriver, alors profite de ta vie, ne te fais pas de soucis, non. Ça peut t'arriver, mais tu préfères vivre sans stress à tant que la vie te teste. Mais ça peut t'arriver, alors profite de ta vie, ne te fais pas de soucis.